Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie romantique. Le New-Yorkais Harvey Shine compose des jingles ringards pour la pub. Alors qu'il doit se rendre à Londres pour le mariage de sa fille, son patron lui fait comprendre qu'il est sur le point de se faire virer. Tu pourrais avoir un whisky ? Ça vous aidera sûrement. Non, c'est que j'ai eu une journée vraiment merdique. Merdique comment ? J'ai raté mon avion, j'ai perdu mon travail et ma fille qui se marie aujourd'hui a décidé qu'elle voulait que ce soit son beau-père plutôt que moi qui la conduise à l'hôtel. Très bien, je m'incline. Allô, maman ? Non, je suis pas chez moi en fait. Oui, avec quelqu'un. Oui, un homme. Vous savez si la réception est déjà terminée ? Venez avec moi. Suzy, je suis désolée. Merci d'être venue, papa. Merci de m'avoir laissé revenir. Ne partez pas. Pourquoi ? C'est ma dernière chance. Alors comment ça va fonctionner ? J'en ai absolument aucune idée. Last Chance for Love, une comédie de Joel Hopkins avec Dustin Hoffman et Emma Thompson. Un DVD Fox Pathé Europa.